de ce fameux 17 août. Un gars nous propose un plan en or, on l'a accepté sans aucun doute. On ignorait ce qui nous préparait quand je pense qu'on a failli se faire serrer. On a eu tort, mais maintenant plus rien à foutre. On est toujours dehors, sans peur ni aucun doute. Je me rappelle de ce gars, de ce plan, de ce soir. Mais c'était un coup de Trafalgar. Ça y est, il nous avait repéré, nous les deux jeunes banlieusards. On est tombés dans le piège, cause de manque de gens art. Quand j'y repense, ce bâtard nous a bien balancé. Il mériterait d'être calciné. Mais tout a commencé par cette belle matinée. Avec toi on a rencontré ce gars qui nous disait qu'on ait des bons moyens pour se remplir les poches. C'était hoche mais le seul moyen. Le déclencheur et ce fameux coup de téléphone. Sur nous les péteux, les bonbonnes, prêts à faire hurler au deuxième coup de phone. Que Dieu nous pardonne, le téléphone sonne. Je réponds, il me dit c'est bon vous êtes OP. Nous toujours OP, on est OK. C'était parti pour de bon. Avec parti la pression, je réponds au deuxième coup de téléphone. Je prends note aux explications. Il me dit t'inquiète, tout se passera bien sans complication. Après de mûres réflexions, c'était bon pour le coup de pression. Mais quelle pression quand on arrive à la BANK. CNN n'était pas là, mais on représentait fièrement notre syndicat. On fait nos premiers pas à l'intérieur, armé de AK, et que ça HK. Tu penses, tout le monde était en transe à l'intérieur de cette banque. Meurt de peur, on a pris la camelote, les péteux à la main et on n'a pas joué nos fiottes. Mes chiottes, voilà la cavalcade. À l'intérieur, on se barricade. Dehors, les fusillades, fini en prise d'otage. Les keufs avaient la rage. Grave, impossible de communiquer. Ce keuf était trop paniqué. Son viseur sur ta tempe, j'ai tiré. J'avais pas perdu la raison. Je voulais tout simplement pas finir en prison. De toute façon, c'est eux qui nous visaient. Obligés d'esquiver les balles, les snipers. Pour retirer une obligeance. Pour nous tirer, c'est de la légitime défense. La seule solution, c'est la course poursuite. Avec les flics, on prépare une rude fuite. Je laisse la place à Rikus pour vous raconter la suite. Les balles sifflées de tous les côtés. Fallait résister. Voiture démarrée, première enclenchée. Le pied au plancher. Fallait pas nous chercher, on n'a pas flanché. Pardonnez-nous de tous nos péchés. On pouvait pas résister. L'argent sale, c'est trop facile à empocher. Voilà, une histoire de bâtard. Pour dire qu'il faut pas faire confiance. Comme un connard à une balance en freelance. Un keuf, Patrick Hart, deuxième écart. Car ça finit souvent en cauchemar.